بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد donc chers frères et sœurs en islam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bienvenue à notre deuxième séance de nos séminaires sur la croyance en islam et plus particulièrement l'étude du livre al-aqidatu at-tahawiyya ça veut dire la croyance et le dogme qui a été écrit par l'imam at-tahawi rahimahullah ta'ala on commence avec le premier chapitre qui traite du concept de la foi. Comment est-ce qu'on appelle la foi en arabe ? Al-Iman. Voyez-vous, Al-Iman. Ce concept-là, c'est un concept qui est pour plusieurs personnes, je dirais même pour la plupart et la majorité de l'humanité de nos jours, c'est un concept qui est flou. Ça peut tout et ne rien vouloir dire. Plusieurs personnes qui prétendent, moi j'ai la foi, j'ai la foi. La foi, la foi. Quelle est la foi? C'est quoi la définition de la foi? Donc, vous allez voir, inshallah ta'ala, qu'avec ce chapitre particulièrement, ce chapitre-là a quelque chose de particulier par rapport aux autres yani, chapitres sur la croyance qu'on va traiter, inshallah ta'ala. Les autres articles portent sur des réalités qui sont dans le monde extérieur, dans le monde invisible. Comme par exemple, quand on va parler du jour dernier, on va parler du paradis et de l'enfer. Ça, c'est une autre créature. Voyez-vous que l'être humain, qui fait partie du monde de Al-Ghaib, de l'invisible. Ce chapitre-là, plus particulièrement celui de la foi, il parle de nous en tant qu'être humain. Ça veut dire de notre dynamique, de nos actions, de notre comportement. Voyez-vous? Donc, on essaye de se comprendre en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut de nous exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, soit satisfait de nous, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? On va parler de quoi exactement? On va avoir 10 sections, inshallah ta'ala, dans ce chapitre. Juste pour vous donner un aperçu du chapitre en tant que tel. On va commencer avec la question de la réalité du concept de la foi. Que veut dire la foi exactement? La définition de la foi, numéro 1. Numéro 2, on va parler de la relation entre la foi, al-iman, et entre al-islam. C'est quoi la différence entre iman et entre islam, on dit que moi je suis musulman et on dit parfois moi je suis croyant. C'est quoi la différence et les points qui sont communs entre les deux. Numéro 3, on va passer de la foi vers la foi avec l'islam, on va passer à l'islam. Que veut dire l'islam? C'est quoi la définition de l'islam? C'est quoi la religion de l'islam exactement? Numéro 4, on va parler inshallah ta'ala de la question des variances dans la foi. Ça veut dire, on va voir, inshallah ta'ala, que la foi, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est si simple que ça. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un bloc. Voyez-vous, c'est pas une feuille. Moi, j'ai la foi. Non. La foi, elle évolue. Elle peut monter, descendre, être faible, être forte, et ainsi de suite. On va parler de ça, inshallah ta'ala. Numéro 5, on va parler d'une question très intéressante que les ulama, ou bien d'entre les ulama, les savants de l'islam, ont traité, qui s'appelle la question de l'istithna. C'est quoi l'istithna? Istithna, à la base, dans la langue arabe, ça veut dire l'exception. Ici, le sens, c'est quoi? C'est le fait de dire « Inch'Allah ». Ça veut dire, est-ce que moi, j'ai le droit de dire « Moi, je suis mu'min ». Moi, j'ai la foi. Est-ce qu'on peut prétendre une telle chose? Ou bien je dois dire « Moi, j'ai la foi, Inch'Allah ». Voyez-vous? Ça semble simple, encore une fois, mais on va voir, Inch'Allah ta'ala, que c'est relié à d'autres choses. C'est relié à d'autres choses, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Numéro 6. On va parler de la différence entre la foi et l'infidélité, ou bien la croyance et la mécréance. C'est quand on entre dans la croyance, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir musulman et qu'est-ce qui pourrait bien nous mettre à l'extérieur de l'islam. Voyez-vous le contraste entre le iman et le kufr, billahi azza wa jal. Numéro 7, et en passant dans le numéro 6, on va parler aussi d'une question très intéressante. Très très intéressante que vous allez apprendre inshallah ta'ala et qui va beaucoup vous aider dans la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la relation, l'interaction entre l'interne et l'externe. Voyez-vous, l'intérieur, le cœur, l'extérieur, le corps de la personne, ses actions, ses paroles, ainsi de suite. Il y a une interaction continue. Entre l'intérieur et l'extérieur, on va étudier, inshallah ta'ala, comment est-ce que ça fonctionne, cette interaction. Numéro 7, on va parler, inshallah ta'ala, des péchés majeurs et des péchés mineur. Quelle est la différence entre les deux et quel est l'impact et le niveau d'impact des deux éléments. Numéro 8, très important. On va parler de la question de est-ce qu'on peut juger du sort d'une personne en particulier dans l'au-delà. Est-ce qu'on peut dire lui, il est allé en enfer, lui, il va au paradis. Est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on ne peut pas le dire? On va voir oui ou non, on va voir pourquoi, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que ça va devenir, c'est le genre de question très, très importante. Voyez-vous que parfois, ça fait surface comme ça, n'est-ce pas? Même sur Internet et sur Facebook, etc. N'est-ce pas? Les gens commencent à avoir des débats, ainsi de suite. Lui, il est mort hier ou bien avant-hier, etc. Lui dira qu'Allah lui pardonne. Il va dire, non, comment ça, Allah lui pardonne? Il a fait telle et telle chose, etc. Il va avoir tous les débats. Tout est basé sur cette question-là. Tout est basé sur cette question-là, Inch'Allah, qu'on va étudier en détail. Numéro 9, on va parler de la question de c'est quoi notre relation maintenant avec ce qu'on appelle Ahlul Qiblati. Ahlul Qibla, ça veut dire les musulmans en général. Ça veut dire tout celui qui prie vers la Mecque. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec une telle personne? Est-ce qu'on va aller chez un magasin halal? Quand on va chez un magasin halal, est-ce qu'on lui dit, est-ce que ta viande elle est halal, mon frère? Est-ce que tu es sûr que ta viande elle est halal? Est-ce que tu peux me le prouver que ta viande elle est halal? Ainsi de suite. Ça revient un peu à la question de la croyance, de l'aqidah. On va le voir, Inch'Allah ta'ala. Et numéro 10, ça sera une petite introduction au pilier de la foi. Après ça, on va passer directement au premier pilier de la foi qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Très bien. Commençons avec une introduction à la foi. Quelle est la foi? Et c'est quoi la foi en islam? On va résumer. C'est quoi la bonne compréhension de la foi? C'est quoi vraiment le concept de la foi? On va le résumer de façon simple. Après ça, on va entrer dans les différences d'opinion, dans les divergences et ainsi de suite. Mais on va vous dire, c'est quoi la vérité? C'est quoi la bonne réponse? Si quelqu'un vous dit, quelle est la foi? C'est quoi le sens de la foi? On va expliquer, Inch'Allah, maintenant, c'est quoi la bonne réponse? Par la suite, on va dire pourquoi. On va entrer dans les détails et les hadiths et ainsi de suite. Les savants, ils disent « Haqiqatul imani murakkabatun min qawlin wa amalin ». Ils disent le concept de la foi est composé de deux choses. Parole et action. Parole et action. On parle ici de quelles paroles et de quelles actions. Parole et action, ça va se subdiviser en quatre catégories, quatre points. Pas la peine d'écrire ce qui est écrit. Vous avez accès tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, plus tard, aux notes de cours. Prenez, s'il y a quelque chose, commençons, qui n'est pas sur les notes, que vous trouvez intéressante, vous pouvez l'écrire chez vous, Inch'Allah ta'ala. Première chose, nous avons les paroles du cœur. Les paroles du cœur. Ça veut dire le cœur, il parle. Qu'est-ce qu'il dit le cœur? Qu'est-ce qu'on veut dire par les paroles du cœur? C'est les croyances, c'est écrit. Qui pourrait nous donner un exemple d'une parole du cœur, de l'une des paroles du cœur? Croire en l'unicité d'Allah, n'est-ce pas? Si c'est croire, par exemple, en l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en termes d'existence, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui dit, je crois que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est unique. C'est un seul Seigneur, il est le seul Créateur, n'est-ce pas? Il le croit. S'il le croit vraiment à l'intérieur de son cœur, c'est son cœur qui est en train de le dire. Il dit « je confirme, je suis d'accord ». Sur ce point-là, je suis d'accord. Voyez-vous ce qu'on appelle une parole du cœur. Le cœur, il témoigne de quelque chose. Il dit « moi, je témoigne que Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique ». Ça fait partie intégrante de la foi. Deuxième chose, on a les paroles de la langue. Et ici, on parle plus spécifiquement de la profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que ça fait partie de la foi ou non? Bien sûr que oui. Parce qu'on va voir plus tard, inshallah ta'ala, quel est l'impact de dire non. Numéro 3. La foi, le concept de la foi, inclut aussi les actions du cœur. Qu'est-ce qu'on veut dire par les actions du cœur? Qui peut nous donner des exemples? Les actes d'adoration, la prière. Est-ce que vous êtes certain, les actions du cœur? Oui. Khushu', la concentration. N'est-ce pas? Lors de ta prière, peux être concentré. Voyez-vous, cette concentration, c'est le cœur qui est en action. Voyez-vous, c'est une action. C'est un état de conscience à l'intérieur. Voyez-vous, c'est dynamique, ça bouge. Quoi d'autre? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une action du cœur. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une action du cœur. La confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une action du cœur. L'amour du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi de suite. Ça c'est ce qu'on appelle les actions du cœur. C'est ce qu'on appelle les actions du cœur. Mais en général, on pourrait les résumer en deux choses. C'est amour et soumission. Ça c'est ce qu'on appelle l'ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, aimer le prophète alayhi salatu wa salam, aimer les personnes pieuses, ainsi de suite. Et de l'autre côté, la soumission à notre créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que l'amour par lui seul, est-ce que l'amour, seulement l'amour peut faire vraiment un cœur qui a de la foi pour Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Quelqu'un peut dire, bon, moi j'aime Allah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné tellement de choses, etc. Mais bon, je ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça c'est la foi? Je refuse de me soumettre. Allah m'a créé, je suis reconnaissant, je le remercie, mais bon, après ça, je fais ce que je veux. Est-ce que ça, c'est la foi? Non, ça ne peut pas être la vraie foi que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande d'avoir. Et numéro 4, c'est les actions, excusez-moi, c'est écrit les actions du cœur, c'est les actions du corps. Je vais corriger ça plus tard, Inch'Allah. Le quatrième point, c'est les actions du corps, qui est bien sûr la forme la plus évidente. La prière, la zakat, n'est-ce pas? Le bien envers tes parents, l'obéissance à tes parents, ainsi de suite. Ça aussi, ça fait partie du concept de la foi en tant que tel. Est-ce que c'est clair? Très bien. Remarquez que si les paroles du cœur deviennent inexistantes, ça veut dire en l'absence des paroles du cœur, c'est quoi l'impact? C'est quoi les paroles du cœur, encore une fois, qui peut nous le rappeler? C'est les paroles, pas les actions du cœur. Les paroles du cœur, c'est la croyance, voyez-vous? Si les paroles du cœur sont absentes, il n'y a plus de foi. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Si quelqu'un dit non, dans mon cœur, je ne crois pas que Allah il existe. Je ne crois pas que le Coran il est le livre divin. Je ne crois pas que Mohammed c'est le prophète d'Allah. Est-ce que ça c'est la foi? Il n'y a plus de la foi. On comprend ça. Donc, si les paroles du cœur sont absentes, la foi devient nulle. Et ça, c'est évident, c'est à l'unanimité. Voyez-vous, il n'y a presque personne qui a prétendu le contraire. Sauf quelques vraiment exceptions, là, c'est grave, c'est exagéré. On va le voir plus tard, Inch'Allah. Parce que si quelqu'un il te dit que si quelqu'un, dans son cœur, il croit que Allah il n'existe pas, mais quand même il a la foi... Come on. Après ça, s'il n'y a pas d'action du cœur, ça veut dire si les actions du cœur sont absentes, quel est l'impact selon vous? Hein? Tu n'es pas sincère, mais est-ce que la foi, elle existe? Est-ce qu'il y a de la foi? Ça veut dire si les actions du cœur, là, c'est t'enlèves tout. Non, il n'y a pas de foi, encore une fois. Et là, ça devient plus subtil. Là, c'est un terrain de bataille entre les savants de la Sunna, comme on va le voir, Inch'Allah, plus tard, et entre la secte de certaines formes de secte de Al-Murji'a extrême, qui prétendent que, bon, le simple fait d'avoir la croyance dans le cœur, t'as la foi. Est-ce que ça, c'est vrai? Non. Je vais vous donner des exemples. Si quelqu'un dit, oui, je crois que Dieu, il existe, que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah, qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, etc. Ok. Est-ce que tu aimes Allah? Non, je ne l'aime pas. Est-ce que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, je ne l'aime pas. Est-ce que tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa volonté? Non. Est-ce que tu as peur des feux de l'enfer? Non. Est-ce que tu espères et tu voudrais vraiment entrer au paradis? Non. Est-ce que quelqu'un comme ça peut avoir la foi? Est-ce qu'on appelle ça la foi? Non. Ça, ce n'est pas. Ça veut dire que la foi devient nulle. La foi devient nulle. Attention, comme j'ai dit, les croyances, apprenez bien ça, comprenez bien ce point. Les croyances, parfois, peuvent sembler tellement innocentes. Et vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens. sur la situation des musulmans et ainsi de suite. On va voir les détails, inshallah ou ta'ala, plus tard. Oui. On va parler de lui tout à l'heure, inshallah. Non, on va parler de lui, bi'idnillahi azza wa jalla, tout à l'heure, on va le donner comme exemple. Oui. Ok. Parole du cœur, c'est quand le cœur il dit je crois que telle chose est vraie ou bien je crois que telle chose est fausse. C'est ce qu'on appelle une croyance. Ce n'est pas un sentiment, c'est une croyance. Ça veut dire le cœur il dit je témoigne que Allah il existe. Je témoigne que Moïse, Moussa alayhi salam, c'est un prophète de Dieu. Je témoigne que Isa alayhi salam, c'est le serviteur de Dieu. Voyez-vous ? Ça, c'est ce qu'on appelle des croyances. On appelle ça de nos jours la raison. Même si en réalité, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle ça, c'est à l'intérieur de l'qalb. Mais on peut voir ça comme étant plus un raisonnement. Voyez-vous ? Donc habituellement, c'est oui, c'est basé sur un raisonnement. La personne va penser de façon qui est logique. Il va lire ce livre, va dire... Ça a l'air vraiment le livre de Dieu. Voyez-vous, je vais donner des exemples comme ça, même si on ne veut pas précipiter le contenu, comme j'ai dit. Mais il va y avoir des savants, des gens du livre, qui ont reçu les livres avant le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont leurs livres qui sont altérés, qui existent jusqu'à aujourd'hui quand même. Il va ouvrir le livre, il lit dans son évangile qui est altéré, ou bien dans la Torah qui est altérée, ainsi de suite. Il va lire les signes, bon, qu'il va avoir un autre prophète qui va venir après Jésus, ainsi de suite, voilà ces signes, etc. Il va dire, oui, c'est clairement évident pour moi que ça, c'est cet homme arabe qui s'appelle Mohammed. Nous on dit, alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'on appelle une croyance. Le gars, il a la croyance sur ce point-là. Parce qu'il est d'accord, il dit, oui, c'est vrai, je témoigne, je confirme. Mais est-ce qu'il a l'action du cœur? Non. Il va dire, je ne vais pas le suivre pour telle ou bien pour telle autre raison. Ce n'est pas mon prophète à moi. Il a ces gens qui vont le suivre. Moi, j'ai ma propre religion. Voyez-vous ? L'action du cœur, c'est un sentiment. C'est quand ça bouge. C'est quand le cœur à l'intérieur, n'est-ce pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum » Quand le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, leur cœur frémisse. Donc le cœur, il bouge. Il y a de l'action à l'intérieur. Vous comprenez ? Oui. L'action du cœur, oui. Non, attendez. On allait mentionner ça plus tard, inshallah, mais je vais le mentionner maintenant pour que ce soit clair. Quand on parle ici de l'absence des actions du cœur, on parle de quelle absence ? Soit de l'absence de toutes les actions du cœur. Et ça, c'est évident. Voyez-vous ? Quelqu'un, il va dire, comme j'ai mentionné, ni j'aime Allah, wal'iyadu billah, ni j'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni rien du tout. N'est-ce pas ? Une personne comme ça, ce n'est pas un croyant. Ça semble quand même pas mal évident. Est-ce que vous êtes tous convaincus par ça ? Hein ? Oui, si quelqu'un dit, moi, j'aime pas Allah, il te dit clairement, il te dit, moi, dans mon cœur, je n'aime pas Allah, je n'aime pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je sais que c'est la religion de la vérité, etc., mais bon, ce n'est pas de mes affaires. Moi, je n'aime pas cette religion. Ça, ce n'est pas la foi. Tu ne peux pas avoir la foi comme ça, voyez-vous ? Donc, si toutes les actions sont absentes, la foi devient automatiquement absente. Aussi, si l'une des actions est complètement absente, la foi devient aussi nulle. Ça veut dire que tout croyant habituellement, il va avoir une certaine quantité, même si elle est faible, de toutes les actions du cœur. Ça veut dire si quelqu'un va dire par exemple, moi j'aime beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je n'ai pas du tout peur de la punition d'Allah. Est-ce que ça c'est avoir la foi ? Non, je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce que c'est clair ? Si quelqu'un dit, moi j'ai pas du tout peur ni de l'enfer, ni de la punition d'Allah, ni rien du tout. Wal'iyadu billah. Mais j'aime Allah subhanahu wa ta'ala tellement. Donc là, une action du cœur qui est la peur, la crainte est inexistante. Là, la foi, elle va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une telle religion. Comment est-ce que tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le craindre ? Voyez-vous ? Maintenant, la crainte, elle peut devenir faible. Ça, c'est autre chose. Voyez-vous ? Quelqu'un peut faire le haram, boire l'alcool, ainsi de suite. Il dit, oui, j'aime Allah. Wallah, j'ai peur de la punition d'Allah. Mais sa crainte en tant que telle est faible. Voyez-vous ? Donc, elle va le retenir jusqu'à un certain bout. Voyez-vous ? Mais elle ne peut pas retenir plus que ça. Certaines formes de haram qui sont vraiment exagérées, comme le kufr, la mécréance, ainsi de suite, il ne va pas le faire. Mais il va s'éloigner un peu de ça, il va se mettre dans les péchés majeurs. Il va boire de l'alcool, il va faire telle chose, parce que sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est faible. Si quelqu'un maintenant, le contraire, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Oh subhanallah, la punition d'Allah est tellement sévère, j'ai tellement peur de la punition d'Allah, je fais les bonnes actions, etc. » Mais j'aime pas du tout Allah, wal'iyadu billah. J'aime pas du tout la religion d'Allah. J'aime pas du tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je le fais par simple peur. Est-ce que ça c'est la foi? Non. Tu peux pas avoir la foi comme ça. Voyez-vous, et c'est encore une fois évident. Si on prend un autre exemple, le tawakkul. Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un dit, bon, moi j'aime Allah, je crains la punition d'Allah, etc. Mais j'ai pas confiance en Allah. Wal'iyadu billahi ta'ala. Moi dans ma vie là, c'est moi qui me charge de tout. Je ne vais pas avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça, c'est avoir la foi? Non. Même s'il va prier nuit et jour, toutes les actions sont vaines auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, on est en train de prendre des actions des exemples théoriques comme ça, c'est parce que dans la réalité, en général, il n'y a personne qui va te le dire ouvertement comme ça. Voyez-vous, c'est une question qui est... C'est une action du cœur. Il n'y a personne qui va oser te dire, moi, je n'ai jamais confiance en Allah. N'est-ce pas? Mais comme on a dit, différence entre l'absence... Elle n'existe pas la confiance de tawakkul en Allah. Et entre quelqu'un qui a confiance en Allah, mais sa confiance est faible. Voyez-vous, il va dire, bon, mon travail est haram. Je suis parti à la mosquée, le cheikh m'a dit que mon travail est haram, que je dois chercher un autre travail. Bon, mais si je laisse cet emploi, est-ce que je vais vraiment trouver un autre emploi? Bon, je sais que mon rizq, il vient d'Allah, donc oui, je devrais laisser tomber mon emploi. Et après ça, il pense un peu, oui, mais on ne sait jamais, ben, on ne sait pas, là, peut-être je ne vais pas trouver. Voyez-vous, il a un doute. Sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est faible. Elle n'est pas inexistante. C'est ça la différence entre les deux. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Certains? Taï. Donc, quelle est la définition donc de la foi? الإيمان ليس مجرد التصديق إنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد للطاعة والانقياد. Donc ensemble, si quelqu'un vous demande à la base c'est quoi la foi, ça commence de quoi exactement, vous allez lui dire la foi c'est une croyance, donc c'est des croyances, je crois, c'est vrai, c'est faux, je crois que les anges existent, je crois que le paradis existe, mais ça ne s'arrête pas à ce point-là. C'est une croyance qui implique l'obéissance et la soumission. Et aussi, on peut ajouter et l'amour pour Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Voyez-vous, donc, si la croyance est existante, mais que l'obéissance ou que l'amour ne sont pas existants, la croyance ici devient une pure philosophie. Ça ne change rien auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, huwa at-tasdiq, n'est-ce pas? C'est la foi, c'est la croyance, c'est le fait de témoigner des vérités qui ont été révélées dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un tasdiq, une croyance qui doit impliquer la soumission et l'amour. Pourquoi, selon vous, est-ce que parfois il pourrait y avoir la croyance, mais sans avoir la soumission et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui empêche cette implication parfois? Normalement, en général, c'est une question de cause à effet. Voyez-vous? En général. Je vais vous donner un exemple comme ça de la vie de tous les jours. Quelqu'un va dire, bon, moi je suis un être humain normal. Je suis un être humain normal. J'ai peur de la mort, comme tout le monde. Donc, là, je suis sur la route comme ça et je vois un camion qui vient à pleine vitesse, qui se dirige vers moi. Mais qui est quand même loin. Donc, c'est pas tellement paniquant, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, etc. J'ai quand même un bon 3 minutes. Mais il se dirige à toute vitesse vers moi. Et je suis comme ça sur la route. Moi, je veux dire, j'ai tellement peur de la mort. J'ai tellement peur que ce camion-là m'écrase. J'ai tellement peur. Est-ce que ça, c'est une croyance? Ce que je prétends que, oui, c'est une croyance. Voyez-vous, donc, cette croyance-là, maintenant, qu'est-ce qui m'empêche d'agir en conséquence? Parce que normalement, logiquement comme ça, cause à effet, j'ai peur de la mort, j'ai vu que le camion, il arrive, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre action pour me réfugier ailleurs. Voyez-vous donc, si je ne bouge pas, je reste dans ma place, il y a un problème quelque part. Quel pourrait être ce problème-là? Hein? Non, la mort, elle n'est pas encore arrivée. On parle ici des asbab. Oui. Hein? La certitude, dans quel sens? Pas assez convaincu, comme la sœur l'a dit. Voyez-vous, donc parfois je prétends quelque chose, mais en réalité ce n'est pas... Par exemple, quelqu'un pourrait avoir des doutes. Est-ce que c'est vraiment un camion? Il pense que c'est une blague. Il pense que, n'est-ce pas, que quelqu'un est en train de faire un jeu pour lui faire peur et ainsi de suite. Donc, il ne prend pas ça au sérieux. Il n'est pas certain. Il n'a pas de certitude. Une autre forme, c'est quoi? C'est qu'il pourrait dire des mensonges. Ce n'est pas vrai qu'il a peur de la mort. Il veut se suicider. Ça fait son affaire. Il attend que le camion arrive. Voyez-vous, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Voyez-vous, il y a quelque... Ou bien, par exemple, il reste sur place. C'est vrai qu'il a peur de la mort, mais il veut montrer aux autres qu'il est courageux. C'est une question de fierté. Il ne veut pas montrer aux autres qu'il a peur. Et quelqu'un pourrait être tellement affolé et devenir fou de cette question-là d'image et de fierté et d'arrogance et d'ainsi de suite, qui va préférer rester debout, à l'extrême comme ça, exagérer comme ça, rester debout, se faire frapper par ce camion, mourir, que de faire croire aux gens que lui, il a eu peur. C'est une question de fierté. Voyez-vous, donc, parfois, il y a des choses qui empêchent cette implication entre la croyance et l'action. La croyance et l'action. Et l'action en tant que telle, on n'appelle pas ça, ou bien la croyance en tant que telle n'est pas suffisante pour être nommée une foi. Je vais vous donner deux exemples. Lors du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens du livre qui sont venus chez lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, « Nashhadu innaka la rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. » Ils ont dit, « On témoigne que toi, tu es le prophète de Dieu. Pourquoi selon vous ?» Qu'est-ce qui les a menés à faire un tel témoignage? Hein? Qu'est-ce qu'ils avaient exactement? C'est qu'est-ce qu'ils avaient déjà dans leur livre, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ceux à qui on a accordé le livre, les gens du livre qui vivaient dans la Médine, de l'Arabie, ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs enfants. Comme quelqu'un peut reconnaître son enfant, il va te dire, ça c'est mon fils. Ça, c'est... J'ai aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est la même chose. Quand ces gens-là, leurs savants, des gens du livre, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, ça c'est le prophète d'Allah. Et ils sont venus chez lui et ont dit, Nashhadu innaka la rasulullah. Et on dit, on témoigne que toi, tu es le prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que ta description, on l'a dans nos livres. Le livre de Moïse, de Moussa alayhi salam, même si altéré, jusqu'à leur temps, ils avaient encore la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qu'est-ce qui vous empêche de me suivre? Ils ont dit, c'est ce que notre peuple va penser de nous. Ça veut dire ce qu'on appelle de nos jours l'exclusion sociale. On va être exclu de notre communauté. Les gens, ils vont dire, c'est une question de fierté, d'image, encore une fois. C'est parce qu'ils s'attendaient que ce prophète-là vienne de leur race. Ils ne s'attendaient pas que ce soit un arabe. Alors, quand c'est un arabe, c'est rendu à être un arabe, ils ont dit, on ne va pas suivre un arabe. Alors que nous, à travers l'histoire, on a été ceux qui ont reçu le plus de prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la race élue, et ainsi de suite. On ne va pas suivre quelqu'un qui est un arabe. Mais on croit quand même que c'est un prophète de Dieu. Est-ce que ça a fait de eux des croyants? Non. Personne n'a prétendu ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais dit ça. Il leur a dit que vous êtes des croyants ou bien des mu'minines ou autre chose. Bien au contraire. Voyez-vous, donc, ici, est-ce qu'ils avaient la croyance? Oui. Ils avaient la croyance ferme. Mais, ils n'ont pas cru. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas soumis au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas fait le contrat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que khalas, j'adhère. Voyez-vous? Il y a une différence entre le fait, si vous rappelez bien, ben, ça c'est un peu compliqué, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde de le comprendre, mais je le mentionne comme ça pour les gens qui sont intéressés à s'approfondir. On avait parlé une fois de la question de la différence entre al-khabar et al-insha. On dit dans la langue, parfois certaines paroles peuvent être des informations. Tu informes de quelque chose. Maintenant, c'est le jour. Maintenant, c'est la nuit. Ça, c'est khabar. C'est une information. Comme ce qu'on entend dans les médias. N'est-ce pas? Le journal télévisé. Bon, telle chose est arrivée. Telle chose est arrivée. On parle ici de faits. Quand on parle de faits, les faits peuvent être traités soit de vrai ou bien de faux. Quand quelqu'un te donne un fait, il y a eu un crime aujourd'hui. Tu vas faire ton enquête, tu vas dire est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. C'était une rumeur, c'est faux. Ah, c'était une vérité. Oui, vraiment, c'est arrivé, telle et telle chose. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle khabar, les faits. La croyance, c'est les faits. C'est quand tu dis, moi, je crois que toi, tu es le prophète de Dieu. Ça, c'est un fait. Et ça, ce n'est pas suffisant. Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut de nous après ça. Après ça, c'est ce qu'on appelle la décision. Al-insha'a. Al-insha, c'est la soumission. C'est « je m'engage à te suivre ». Voyez-vous? C'est comme les gens, ils vont suivre leur religion. Pas vous aujourd'hui, par exemple, mais ici, mettons, on va faire une expérience dans cette salle. On va ramener 50 personnes, on va dire « allez, chacun va se choisir une religion ». Quelqu'un va se lever, va dire « j'adhère au christianisme ». L'autre va dire « j'adhère au bouddhisme ». L'autre va dire « je suis musulman à partir de maintenant ». Ça, c'est des engagements. Voyez-vous, ce n'est pas une question de fait. Ce n'est pas du vrai ou faux. C'est un choix que tu as fait. Vous comprenez la différence entre les deux? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Et regardez ici pour prendre le contraire, même si le contraire est très évident. N'est-ce pas quand on avait dit, sans regarder les notes, vous me répondez à la question, si les paroles du cœur sont inexistantes, qu'est-ce qui arrive? La foi est nulle, à l'unanimité. C'est quoi l'exemple qu'on peut donner de ça? C'est que si on va dire le contraire, si on veut dire quelqu'un peut avoir la foi sans avoir la croyance. Donc là, c'est le contraire. Quelqu'un qui va avoir l'obéissance, la soumission, l'amour, mais il n'a pas la croyance. Est-ce que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, l'accepte? Non. L'exemple à donner dans ça, c'est quoi? C'est les munafiqines, les hypocrites. C'est quoi un hypocrite? Depuis le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi un hypocrite? Quelqu'un qui adhère à la religion, en apparence, mais qu'à l'intérieur, il n'a pas la foi. وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui prétendent, qui disent, nous, on croit en Allah et au jour dernier, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْآيَاتِ. Donc ici, ils disent quelque chose, ils s'engagent en apparence, à l'intérieur, il n'y a rien. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, et l'histoire le prouve aussi, que lors du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces hypocrites-là faisaient la prière avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils priaient dans la mosquée de la Médine, dans la mosquée de la Mecque. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, n'accepte pas leur prière. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Il y a l'obéissance, il y a la soumission, mais la croyance n'est pas présente. Vous comprenez? Oui. Non, si la croyance n'est pas présente, tu ne peux pas avoir les actions du cœur. C'est impossible. C'est impossible. C'est parce que les actions du cœur ne peuvent pas venir sans croyance. Exact. C'était juste l'extérieur. Les paroles et les actions extérieures. C'était un semblant d'engagement, alors que son cœur ne s'est pas vraiment engagé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Très bien. Taïb. Passons maintenant aux détails. C'est quoi les détails? On a expliqué c'est quoi les réalités, c'est quoi le bon concept de la foi. Et en passant, ça ne se termine pas là. On va détailler ça pendant des heures, genre la question de la foi avec les hadiths et les exemples et ainsi de suite. On va commencer avec un petit résumé en quelque sorte. On va parler maintenant de la divergence sur la question de la foi. Quelles sont les divergences principales sur le concept de la foi? Quelle est la foi? Encore une fois, on va poser la question, quelle est la foi? Je répète encore une fois, que selon la majorité des savants sunnites, ça veut dire les grands savants de l'islam, que nous en suivent, ceux qui suivent la voie du prophète, alayhi salatu wasalam, le corps avant ça, et les compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, ils disent que la foi, c'est dans le cœur, la langue, ainsi que les actions. Que tout ça, ça entre dans le concept de la foi. Et comme j'ai dit, on ne fait pas d'endoctrinement ici. Ce n'est pas du par cœur. On ne vous dit pas que c'est comme ça et ça doit être comme ça. On va voir, inshallah ta'ala, plus tard, plein de textes sur cette réalité-là, qui nous prouvent que les actions font partie de la foi et que les paroles font aussi partie de la foi. Est-ce que cette première opinion est claire? Ça, c'est notre croyance qui va en accordance avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est number one. Numéro deux, c'est ceux qui ont dit أَنَّهُ مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ دُونَ الْجَوَارِحِ فَهُوَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ. C'est les savants qui disent que la foi, c'est seulement ce qui est dans le cœur et ce qui est sur la langue. C'est les croyances du cœur ainsi que les paroles de la langue. Ça veut dire ils excluent les actions du cercle de la foi. Encore une fois, je répète, on a les croyances du cœur, on a les paroles de la langue et on a les actions. Nous, on croit que ces trois cercles-là, c'est la foi. C'est ça, la foi. Ça, c'est la majorité des savants, des sunnites. Après ça, les Hanafis, le madhab de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ça veut dire la quatrième, ou bien le premier chronologiquement des quatre madahib, eux, ils croient que, non, le troisième cercle, celui des actions, tu l'exclus du concept de la foi. La foi, c'est seulement le cœur ainsi que la langue. Est-ce que c'est clair? Non. Ça, ce point-là, c'est le seul et l'unique point de divergence sur une question de croyance entre les écoles de jurisprudence. C'est sur cette question-là de l'iman. Rappelez-vous, lors de notre dernière séance, on avait mentionné qu'il faut distinguer entre les sectes et les quatre écoles. Les quatre écoles, c'est des différences en général sur la jurisprudence, les détails pratiques de la religion. Tandis que les sectes, c'est des égarements dans des questions de croyance. Voyez-vous, ça, c'est la seule exception majeure. C'est sur le concept de la foi. Les savants du madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ils disent que la foi, c'est seulement le cœur et la langue. Les autres savants, ils étendent ça pour inclure aussi les actions du corps. C'est clair? Quand vous dites le manhaj, c'est-à-dire incluant le cheikh Abu Hanifa, qui croyait ça? Oui, incluant l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que selon même ceux qui disent que les actions font partie de la foi ne s'entendent pas tous sur le hukm de celui qui ne fait pas as-salat. Tariku as-salat. Voyez-vous, c'est parce que la salat, ça devient une action parmi d'autres. Voyez-vous, la salat, même si on va dire que celui qui ne fait pas la salat, ce n'est pas musulman, ce n'est pas vraiment relié à ça. C'est parce que c'est une exception. C'est parce qu'on a un hadith spécifique. Man taraka faqad kafa. C'est un hadith qu'il a dit clairement, donc la divergence est sur l'interprétation du hadith en tant que tel. Voyez-vous, mais ici avec la première interprétation, ça c'est une question importante, on va la voir plus tard, inshallah ta'ala, l'impact de la première opinion, l'une des différences entre la première et la deuxième opinion, c'est quoi? C'est que si quelqu'un, théoriquement comme ça, on va assumer que quelqu'un, il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il craint yani, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la croyance, ainsi de suite, il dit « moi je suis musulman », mais à travers sa vie, il ne fait pas une seule bonne action. Rien. Niet. Rien. Rien du tout. Alors, selon le concept qui nous dit que les actions font partie de la foi, cette personne-là va faire perdre sa foi. Et sa foi n'est pas valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la question en tant que telle est pas mal théorique, voyez-vous. Vous allez peut-être, vous avez déjà entendu parler de cette question-là et le débat entre les savants sur ce qu'on appelle jinsul amal. Ça veut dire l'existence de l'action en tant que telle. Si une personne ne fait pas du tout d'action, est-ce qu'elle est musulmane ou non, voyez-vous. Ici, la question, ce n'est pas la question en tant que telle, c'est parce que l'exemple est purement théorique. On ne peut pas imaginer un musulman comme ça qui vit pendant 10 ans, n'est-ce pas? Il aime Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Mais pas, même pas une fois dans sa vie, il ne va pas dire Alhamdulillah. Ou bien subhanallah, c'est comme un peu exagéré. Voyez-vous, donc c'est une situation purement théorique. Mais le débat qui est derrière, c'est plus sur la réflexion, sur les bases qui nous mènent à au résultat en tant que tel. Non. Et ça, ce n'est pas une question importante pour vous dire à l'avance. Donc, si vous trouvez que c'est complexe, ce n'est pas grave, ce n'est pas notre sujet en tant que tel. Non. Je n'arrive pas trop à trouver la différence dans ce cas entre la secte qu'on a vue au Mourjia, c'est-à-dire que c'est juste pour la foi, c'est juste dans le cœur, et le fait qu'on élimine les actions de tout. Oui, très bien. Je pense que j'allais le mentionner plus tard, Inch'Allah. Mais on a parlé de la question de la secte qui s'appelle la secte des Murji'a. C'est écrit un peu plus tard, là. La secte des... Non, c'est pas ici. C'était dans le slide avant ça. Ça parlait des Murji'ites. Murji'a. C'est quoi Murji'a? Dans la langue arabe, Murji'a, ça vient de l'irja. L'irja, c'est le fait... C'est le fait de repousser quelque chose. Ay akharu al-amala an musamma al-iman. Ça veut dire, quand ils ont défini la foi, n'est-ce pas, ils ont défini la foi, bon, la foi c'est telle et telle chose. Ah, les actions, toi, vous, dehors. On sort d'ici. On ne va pas vous accepter à l'intérieur. C'est pour ça qu'on les appelle Al-Murji'a, Arja'u. Ils ont repoussé, ils ont retardé en quelque sorte les actions, ils n'ont pas inclus. Maintenant, les Murji'a, en général, c'est quoi Murji'a? C'est la secte, n'est-ce pas, qui fait sortir les actions du concept de la foi. En détail, ce n'est pas tous les Murji'a qui sont les mêmes. On va voir qu'il y a certaines formes extrêmes de Murji'a, que tu vas te dire, est-ce qu'il y a vraiment un musulman qui va yani, oser dire une chose pareille, n'est-ce pas? Et il y a les Murji'a, qu'on appelle Murji'atu al-Fuqaha, selon certains ulama, Murji'atu al-Fuqaha, souples comme ça, qui sont les savants des Hanafis. C'est pour ça que c'est la seule question qui cause parfois problème dans la croyance entre les Hanafis et les autres trois madhahib. Certains savants des trois autres madhahib sont très durs sur les Hanafis, sur cette question-là de l'Iman, et d'autres sont plus souples, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, oui, c'est une forme de irja indirecte. Mais on va voir qu'il faut faire des nuances pour être juste, n'est-ce pas, pour ne pas... Parce qu'on va voir, Inch'Allah, plus tard, que quand ils disent les Ahnaf, les savants Hanafis, quand ils te disent que l'action ne fait pas partie de la foi, ils ne sont pas en train de te dire « fais ce que tu veux ». Et tant que, n'est-ce pas, comme les gens ils disent de nos jours, « la foi, c'est dans le cœur, alhamdoulilah ». Ce n'est pas ça ce que les savants des Hanafis ont mentionné. C'est deux choses complètement différentes. On va le mentionner tout à l'heure. Bi'idnillahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. C'est parce que, voyez-vous, les gens qui disent de nos jours, est-ce que vous avez tous entendu une personne dire ça déjà? La foi, je l'ai dans le cœur. Alhamdulillah. Je ne fais pas ma prière, je fais ce que je veux. La foi, elle est là. Est-ce que tu as pu voir mon cœur? Non, c'est Allah qui le voit. Donc, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. J'ai la foi à l'intérieur du cœur. Ça, c'est une forme excessive, extrême de irja. Qui veut dire en d'autres termes, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait une croix, on l'annule, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Coran et d'un prophète et des hadiths, et etc.? Ça ne sert plus à rien. N'importe quel être humain il va dire, bon, moi je crois en Dieu, j'ai la foi, c'est dans mon cœur, khalas, that's it. Pourquoi est-ce qu'on lit le Coran, on va, n'est-ce pas, se renseigner et connaître la prière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui... Si moi je prétends que tant que j'ai la foi dans mon cœur, la prière n'est pas importante. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est deux options. Soit que je dis que ah, ceux qui sont en train de faire leur prière sont en train de perdre leur temps. Voyez-vous? Ça veut dire que ça, ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé de faire la prière. C'est une innovation. Si quelqu'un va oser dire une chose pareille, on comprend tous que... Out. Il n'y a pas un musulman qui va dire la prière, c'est une perte de temps. Ou bien qui va dire non. La prière est importante. Oui, ils sont en train de faire une bonne chose. Ok, s'ils sont en train de faire une bonne chose, c'est quoi la différence entre toi et eux? Est-ce qu'eux, ils n'ont pas la foi dans le cœur, c'est pour ça qu'ils doivent faire leur prière? Vous comprenez la logique? Donc, le fait de dire que la foi est seulement dans le cœur, les actions ne sont pas importantes, ça implique de dire que la religion en met une croix dessus. La religion, ça devient une simple une chose quand on enseigne. Quand on va t'enseigner, quand tu es jeune, une fois que tu vas devenir pubère, tu commences à comprendre, on va te dire, mon fils, on est des gens de foi, et à partir d'aujourd'hui, tu dois avoir la foi pour entrer au paradis. Ok, j'ai la foi, mon père. Khalas, pour le reste de ma vie, je vais dire, j'ai la foi, je vais entrer au paradis. Les savants des Hanafis, a'oudou billah, n'ont jamais dit ça. C'est pour ça qu'on les appelle des savants de Hanafis. Ils ont toute une école de jurisprudence dans laquelle ils te disent, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est un grand péché, si tu fais ça, tu sors de l'islam. C'est des savants, voyez-vous, donc ce n'est pas ça ce qu'ils voulaient dire. Voyez-vous, on va voir tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi les distinctions qui sont à faire. Taïb, numéro 3, c'est ceux qui prétendent, ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو ما يقوم باللسان فقط، فهو الإقرار باللسان، وقولهم ظاهر الفساد. La secte de qu'on appelle al-karamiyya ou bien les karamites, comme on les appelle en français, les karamites. Hein? Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est vraiment exagéré. Voyez-vous, c'est comme j'ai dit. Tu peux, parfois, tu vas te dire, comment est-ce que quelqu'un va oser dire, inventer quelque chose comme ça? Mais comme on a expliqué tout à l'heure, c'est l'évolution dans l'égarement. Quelqu'un va naïvement, comme ça, inventer quelque chose. Mais après ça, il va refuser de la retirer. Celui après, il va, à partir de A, il va conclure B. Et l'autre, à partir de B, C. Et après ça, tu vas arriver à des résultats ridicules comme ça. Ils te disent, la foi, c'est seulement dans la langue. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, c'est quoi? C'est de dire la ilaha illallah. Même si ce n'est pas présent dans ton cœur. La foi, c'est seulement dans la langue. Quel est l'impact de ça? Qui pourrait nous démontrer comment est-ce que ça, c'est ridicule? Hein? Les hypocrites. Voyez-vous, ça veut dire un hypocrite, le munafiq. Lui, il dit, bon, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. » Mais il ne croit pas en Allah, ni au jour dernier, ni ainsi de suite. Il va entrer au paradis, normal. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hypocrites vont être au fond de l'enfer, inna al-munafiqina fi darkil asfali minan nar, ainsi de suite. Ça veut dire non, normalement les hypocrites vont aller au paradis. Au contraire, c'est eux qui ont trouvé le chemin le plus court au paradis. Tout ce qu'ils ont dit, c'est la ilaha illallah, et ils ont su comment investir leurs efforts. Vous comprenez? Donc ça, c'est la secte qui prétend que la croyance, la foi, c'est seulement dans la langue. Oui. Très bon point apporté par le frère. Ça, on va le voir un peu plus tard, inshallah, quand on va parler de la question de l'évolution de la foi. On va parler de ce point-là qui est le fait que la foi, la religion que Allah subhanahu wa ta'ala impose à chacun d'entre nous peut être différente d'une personne à une autre. Ça semble bizarre, mais c'est très logique. Pourquoi? Ça dépend de la capacité. Quand on a fait les maximes de fiqh, qu'est-ce qu'on avait dit? L'une des maximes, c'était quoi? Les obligations disparaissent. Et on les met à l'écart si on devient incapable. Voyez-vous, la personne qui a sa mort, ça c'est différent. Si quelqu'un au dernier instant de sa vie va dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah » et encore, même ici, il doit le dire avec la sincérité dans le cœur. Mais lui, Allah va lui pardonner le fait qu'il n'a jamais fait de bonnes actions. C'est parce qu'il est incapable. Ça y est, c'est à une minute de sa mort, il a fait sa taouba, son repentir, il va dire « Moi, je me convertis à l'islam, je deviens musulman. » Il n'a pas eu le temps de vivre plus pour faire plus de bonnes actions. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Chanceux, il va aller au paradis avec une simple parole qu'il a dit une fois dans sa vie. Vous comprenez? Oui. Donc, mais ici, eux, non. C'est vraiment là une croyance générale. C'est un principe général qu'ils imposent que selon les karamiyas, selon cette secte, la foi, c'est seulement ce qui est sur la langue. Tant que tu dis la ilaha illallah, tu es un croyant auprès d'Allah. Même le cœur est complètement inutile. Non. Et comme j'ai dit, ces gens-là, ce genre de secte en général, ce n'est pas des sectes qui déduisent ce genre de choses par naïveté comme ça, par croyance et ainsi de suite. C'est plus une déduction philosophique. Ils se détachent de la réalité. Ils pensent plus logiquement. Ils pensent avec une pensée mathématique. Voyez-vous, bon, je me base sur telle chose, qui m'implique telle chose et telle chose. J'arrive à telle conclusion, khalas. Je vais dire cette chose-là. Voyez-vous? C'est comme quand on va voir, inshallah ta'ala, plus tard, pour vous donner un autre exemple encore plus exagéré. Quand on va parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la secte de Al-Jahmiyya, une des sectes qui sont apparues dans l'islam, qui disent quoi? Écoutez une chose qui est tellement, tellement ridicule et tellement aberrant. Ils disent quoi? Ils disent que, bon, les bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des noms, mais qui ne contiennent pas des attributs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça semble être tellement complexe, comme ça, tellement philosophique. Il va te dire que Allah, il est le tout miséricordieux. Il est Ar-Rahim, Ar-Rahman. Mais il n'a pas de miséricorde. Allah, il est Al-Ghani, le tout riche, mais il n'a pas de richesse. Et ainsi de suite. Ça veut dire, les bons noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, selon eux, vont devenir de simples mots. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à une telle conclusion aberrante et ridicule? C'est du pas par pas, voyez-vous? Il veut s'éloigner de telle croyance. Alors il va prétendre telle chose, et telle chose, jusqu'à arriver à ça. Donc, ils vont dire, par exemple, l'un de leurs arguments, c'est quoi? Écoutez comment est-ce que des personnes pensent de façon tellement ridicule, il va dire, parce que le fait de croire en tous ces noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de polythéisme. Le fait de dire qu'il y a Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafour, n'est-ce pas, Tawwab, Al-Ghani, bon, tout ça, c'est une forme de polythéisme. Donc, on n'accepte pas ces noms-là. Mais, vu qu'ils sont dans le Coran, on va les diluer de leur contenu. Ça va devenir seulement des noms qui n'ont pas de contenu et qui n'ont pas de sens. Wal-iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. C'est les Jahmiyyah. On va parler de ça, Inch'Allah, quand on va arriver au chapitre sur les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Passons à la prochaine croyance. Il y a des gens qui prétendent que la foi, c'est dans le cœur seulement. La foi, c'est dans le cœur seulement. Et là, ils vont l'exprimer de façon différente. On a la secte des Maturidi. Les Maturidites, les Maturidi, qui disent que la foi, l'iman, c'est seulement la croyance. Là, c'est grave. Pourquoi c'est grave selon vous? Parce que déjà, la première chose qu'il va enlever lui, c'est les actions du cœur. Excellent. Voyez-vous, le frère, il l'a eu. Ça veut dire, c'est de là que ça va venir, n'est-ce pas? On va juste mentionner la deuxième, n'est-ce pas? Ceux qui vont porter ça encore plus loin, n'est-ce pas? C'est la secte des Jahmiyyah, les Jahmites, la même chose, ceux qui ont causé le problème, ceux qui ont tout compliqué sur les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils nous causent problème aussi ici, sur la question de la foi. Ils vont dire que la foi, c'est dans le cœur et ça veut dire seulement la connaissance. Quand tu connais Allah, tu as la foi. Ça mène à dire quoi? À dire que Shaytan, il avait la foi, n'est-ce pas? Parce que dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plein, il y a plein de versets qui nous indiquent qu'en général, Shaytan, il avait la croyance, il connaissait c'était qui Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit « Rabbi, mon Seigneur », il a fait un dua, il a dit « Rabbi, andirni ila yaumi yub'athun », il a dit « Oh Allah, donne-moi la chance encore jusqu'au jour dernier, avant de me punir ». Ça veut dire qu'il croit au jour dernier. Il a dit « Rabbi bima aghwaytani », il croit au qadar. N'est-ce pas? Et tellement de choses. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Shaytan, il a dit, oh Allah, tu m'as créé à partir de feu, tu as créé Adam à partir d'argile. Donc, il croit que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est son créateur. N'est-ce pas? Il connaissait Allah plus que les athées, Shaytan. Vous comprenez? Est-ce que Shaytan, il a la foi? A'udhu billah, qui va dire une chose pareille? Mais cette prétention-là va mener à dire que Shaytan, il avait la foi. J'ai peur qu'un jour de voir comment est-ce que les gens, parfois, comme j'ai dit, ils diluent leur religion, pas à pas comme ça, n'est-ce pas, c'est du petit à petit. Et à chaque génération, des gens vont diluer plus. J'ai peur qu'un jour, Wallah, et sincèrement comme ça, j'ai peur qu'un jour, on arrive à avoir des gens qui vont dire, notre frère Iblis, qu'Allah le guide, notre frère Iblis, qu'Allah lui pardonne. Wal'iyadu billah. La même chose, une implication de ça, c'est quoi? Pharaon, le pharaon. Est-ce que le pharaon était croyant ou mécréant? Mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, n'est-ce pas? Il nous dit que Adkhilu ala Pharaon ashad al-adab, c'était l'ennemi de Moïse, il va aller en enfer, ainsi de suite. Là, il va y avoir des gens qui ont dit, mais attention, le pharaon, il connaissait Allah. Et il connaissait que Moïse, Moussa alayhi salam, c'était le prophète d'Allah. Ça s'est confirmé par le Coran. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَ. Pharaon, il a refusé de se soumettre à la religion de Moïse, pas par ignorance, pas par doute, mais par arrogance. Mais par arrogance. Il a dit, cet homme-là, qui vient des fils d'Israël, qui sont mes esclaves à moi, il va devenir mon prophète et moi je vais le suivre. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي Je suis le Seigneur dans ce pays, en Égypte, ainsi de suite. Comment est-ce que tu veux que je te suive? Alors, en se basant sur le fait que la connaissance d'Allah, en général, c'est ça la foi, tu vas devoir arriver à prétendre que Pharaon, c'est notre frère en islam. Oui. Oui. Non. Non. C'est quoi cette foi qui lui a permis de... quel type de foi? Oui, oui, Iblis, il était avec les malaïka. Shaitan, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala avec les anges, alayhimu salam. Mais ici, est-ce qu'il était sincère dans son adoration ou non? Ça, Allahu a'lam. Je ne peux pas y répondre. Et ça semble être plus le fait qu'il ne soit pas sincère. Si on revient au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges « Je sais ce que vous divulguez et ce que vous êtes en train de dissimuler. » Selon certains ulama de tafsir, ce que vous êtes en train de dissimuler ici, c'est le kufr de Iblis, de Shaitan. Ça veut dire que peut-être, Wallahu a'lam, on ne peut pas donner une réponse définitive parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de texte qui nous donne la réponse claire. Peut-être, Wallahu a'lam, que Shaitan, c'était un hypocrite, c'était un adorateur au début qui voulait adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer aux autres djinns et ainsi de suite que lui, c'est quelqu'un de religieux et ainsi de suite. Vous comprenez? Wallahu a'lam. On ne peut pas donner une réponse qui est définitive. Mais comme on a mentionné, selon Al-Jahm ibn Safwan, ou bien cette secte Al-Jahmiyyah, ils prétendent que la foi, c'est la connaissance d'Allah, et que l'infidélité, ou bien la mécréance, c'est l'ignorance. Si tu ne connais pas Allah, tu es mécréant. Tu connais Allah, tu es un croyant. Et ça, ça va tout ruiner. Fadda. Est-ce que eux, quand on leur parle, ils arrivent aux mêmes conclusions, ou ils disent juste ça, mais... Oui, il y en a qui arrivent aux mêmes conclusions. Il y a des livres aujourd'hui qui existent, de Aqida, n'est-ce pas, qui sont basés et qui sont influencés, c'est plus... Parce que le Jahmiyyah en tant que secte, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est une secte ridicule, là. Personne qui va suivre. Ce n'est pas, c'est pas une secte qui va te donner des gens là, qui vont suivre ça par des milliers, voyez-vous. Mais les idées en tant que telles se sont infiltrées dans d'autres groupes, des idées de Irja, comme ça en général. Et oui, il existe de nos jours, dans certains livres de Aqida, qui disent que, bon, Pharaon, à peu près, là. On n'est pas certain. Vous comprenez? Non. Comme j'ai dit ici, le problème, c'est quand tu y vas, pas à pas et doucement, doucement. J'avais un point à mentionner. Non, on va laisser ça pour la prochaine fois. Bi-idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.